tête. Amina me fait perdre mes moyens. J'avoue, j'ai le démon quand elle répond pas. Même dans l'obscurité, j'arrive, c'est pas ça. Parce que j'ai pas l'habitude, tu pas trop galant. J'ai grandi dans la street, les potes m'ont dit qu'à fou laisse. Les femmes te blessent, elles te blaguent et te laissent à la rue. Suffit d'un regard pour t'en combiner. Une des pertes du 10 de retrouver. Elle fait trop la mise. Amina sur ton cœur, j'ai la ma mise. Je pars à mon temps pour des futilités. Tu m'as jeté sans même hésiter. Sais que tu es même en secrète. Fais ta ville, mec, double sur le chat, tu restes. Amina, Amina, je pourrais pas dire je t'aime, c'est trop difficile. Reine nous unit, t'es ma petite copine. Laisse-moi faire mes jazz. Me prends pas la tête pour tes coups de fil. Je l'ai piqué. Elle est folle de moi, elle veut plus me quitter. Suis-moi et je te fuis. Fuis-moi et je te laisse, y'a pas de soucis. Amina, Amina, Amina, Amina. Amina ne veut plus de moi. Tout est fini. Amina ne veut plus de moi. Qui est le fautif? Chacun fait sa vie. Ce soir, c'est chacun chez soi. Amina, Amina, Amina, Amina.